Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je choisis de dire, oh béni soit ton nom.